22, 31, activation orale, passé composé, auxiliaire, être. Répondez selon l'exemple. Vous entendez. 1. Vous allez venir. Et vous dites. Non, nous sommes déjà venus deux fois. Ça suffit comme ça. 2. Tu vas venir. Non, je suis déjà venu deux fois. 3. Je vais venir si tu veux. Non, tu es déjà venu deux fois. 4. Il va venir? Non, il est déjà venu deux fois. 5. Nous allons venir si tu veux. Non, vous êtes déjà venu deux fois. 6. Ils vont venir? Non, ils sont déjà venus deux fois.